Yako de Mitchi on a échoué. Oebi Sakashik Shiki on a Dallas. Wakaye est commis un nouveau départ. Ma Brigitte Amboyo est. Olingo Eloko Ebana Canada Muna Eva. Moke Moke Sekolanda Aniki. Moke Moke Sekolanda Aniki. Est-ce que Okoki Kopekisa Ebale Eto la terre? Alors Pekisa Pembula Nanikolo Eno Kate. Kasi Mote Manama Mope Kisa Tela Inayo. Allez, c'est beau. Jamais je laisse tomber. Bon bateau, basson, akina, bonito, basson, gani, moukeni. Même si tu ne veux plus me voir, n'a pas ça la diasse, ton poutana. Même si tu ne veux plus danser, moi, kaye, koukouyate. Et tiens, néné, moi, n'a pas. Jean-Paul Chikambu, Eric Mungu Nabea. Naleli abutu ya ndambo na polisi beto na maina miso. Mama ina miso. Nala kire tani kie. Naleli abutu ya ndambo na polisi beto na maina miso. Matele na mama. Nala kire tamba panu kaina. Nasala poni nikie. Iye iye. Celeste mampasi na ngayo. Alden, Serge Mayembo. Yeah. Club.